Ce sont les meilleures équipes. Et il dira leur vestement Shaft. The main event. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Meister, die Besten, les meilleures équipes. The Champions. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou. Un épisode ce soir bien particulier, puisqu'il sera consacré à un pays ami, l'Albanie. Bonsoir à vous, cher docteur. Autant dire tout de suite à nos auditeurs que vous avez vous-même essentiellement préparé cette émission. Pourquoi ? Puisque vous vous êtes rendu il y a quelques temps, quelques années maintenant, en Albanie. C'est un pays que vous avez particulièrement apprécié et puis vous avez fait des connaissances là-bas. Je vous laisse présenter tout ce beau monde autour de la table. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chers auditeurs. Effectivement, il y a 4 ans, j'étais en Albanie. Il y a 4 ans, c'était déjà l'euro. J'ai vécu l'euro d'Albanie. J'ai rencontré là-bas un certain Marcel. Marcel qui est ce soir sur le plateau. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Et voilà, Marcel tout de suite est tombé dans le jeu, exactement, puisque pendant une petite demi-heure, nous allons vous parler en albanais ce soir, avec une formidable traductrice qui s'appelle Alma. Bonsoir, Alma. Bonsoir à tout le monde. Alma sera accompagnée de son neveu, Kevin. Kevin, qui lui aussi est donc albanais, habite à Marseille depuis un an, et lui aussi va nous aider à traduire les formidables propos de Marcel et consorts. Bonsoir, Kevin. Bonsoir à tous. En plus de ce dispositif spécial, Marcel n'est pas venu seul, puisque, comme vous le savez peut-être, Marcel est venu avec des collègues albanais, des collègues supporters pour le match qui aura lieu dans 2 jours, le match France-Albanie. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Henry. Bonsoir, Henry. Merci. Et Edor, qui est là, à côté de moi. Merci. Donc nous avons tout ce beau monde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans 2 jours, comme vous le savez très probablement, il y aura un fantastique match. Un match qui va se dérouler au stade Vélodrome. Un match France-Albanie qui aura lieu, hélas, en l'absence de Lorik Sana, le capitaine de l'équipe d'Albanie qui est sorti prématurément du premier match contre la Suisse. Mais un match qui s'annonce fantastique étant donné une prestation extrêmement bonne de l'Albanie contre la Suisse qui quand même a su résister après avoir été mené 1-0 et être réduit à 10 pendant tout le match. Donc on va essayer de traiter pendant cette émission du football albanais, du football en Albanie, un football assez méconnu au final, et on essaiera de voir avec nos invités si on a la possibilité de rentrer plus en avant dans une connaissance de ce football qui reste finalement très très méconnu, un football qu'on va essayer d'entrevoir durant notamment la dictature d'Enver Hoxha. Après, on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux nationaux qu'il y a autour du football en Albanie, notamment avec l'importante communauté albanaise qui se trouve dans les pays alentours, que ce soit la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo, bien sûr. Et puis, de comprendre aussi cette diaspora albanaise dans les logiques de binationalité qu'il y a, notamment dans un rapport avec la Suisse qui est très intéressant, puisque on a vu que dans l'équipe de Suisse, il y avait énormément d'Albanais. On a aussi vu qu'hier, un Albanais a marqué pour l'Allemagne, puisque Mustafi est de nationalité albanaise et allemande. Donc c'est assez intéressant de voir en fait toute cette diaspora albanaise à l'œuvre dans le football. Et puis on parlera aussi avec nos amis supporters qui sont venus et spécialement en fait pour ce match de football, des enjeux du prochain match et puis de ce qu'est être un supporter actuellement en France dans cet euro mouvementé pour l'instant à Marseille. Alors merci docteur pour cette belle présentation de cette émission, ce beau sommaire. Mais vous n'êtes pas seul dans le dispositif à être présent. J'entends derrière vous ferrailler le coach. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ouvre des canettes, ça tape sur des bambous. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le coach est là quand même. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Je crois que le coach est là. Il a fait une distribution d'aluminium. Très bien. Il s'est assis posément à son siège. Je crois qu'il est très très en colère parce que je lui ai volé sa place. Il est remplaçant ce soir, le coach ? Je crois que le coach est sur le banc. Très bien. Bon, on le retrouvera quand même, j'imagine. Vous l'avez glissé dans votre sommaire à un moment donné, un moment précieux et crucial, comme d'habitude. Et puis, alors là, cerise sur le gâteau, nous avons retrouvé ce soir sur Radio Galère l'ami Magic, notre commentateur préféré. Magic est en direct de Lyon, du stade des Lumières, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Magic, est-ce que vous nous entendez ? Vous m'entendez, mon cher Manuel ? Bien sûr, Magic, vous êtes là, vous êtes avec nous. Le bouton rouge s'est allumé, je suis en direct de Lyon, où l'équipe d'Italie est en train d'affronter l'équipe de Belgique pour ce match de poule dans l'Euro 2016. Eh bien, c'est incroyable ce match, il est incroyable. Les Belges sont en train de dominer la partie, bien évidemment, comme on pouvait s'en douter, vu la qualité technique de l'ensemble des joueurs qui composent cette équipe. Et ils ont à peu près 60% de possession de balle d'après les statistiques officielles. Ils tiennent le match, ils se font des passes, ils redoublent de passes, etc. Mais au score, on joue la 38e minute et au score, c'est l'Italie qui mène un but à zéro. Un magnifique but de son milieu de Bologne, Giaccherini, après une formidable passe de son défenseur central Bonucci. De 40 mètres, Giaccherini qui reçoit légèrement dans la surface de réparation sur le côté gauche, qui ne cherche pas à calculer, qui frappe tout de suite, et 1-0 pour les Italiens. Les Italiens qui acceptent de se faire dominer, mais qui sont très incisifs et qui pour l'instant dominent cette partie 1-0. Magic, l'Italie, comme d'habitude, sera très très difficile à sortir du tournoi, j'ai l'impression. Ah, d'autant plus cette année, puisque figurez-vous que pour cette édition-là de l'Euro, eh bien, l'Italie n'a pas de stars, n'a pas de grands joueurs, ou en tout cas très peu. Et donc, il va falloir compter, non pas sur les joueurs de l'Italie, mais sur son collectif, emmené par son entraîneur Conte, qui a le pouvoir de rendre une défense extrêmement imperméable. Et elle va être difficile à jouer, cette Italie. Elle sera là, je pense, présente jusqu'au dernier moment. Magic, on vous laisse pour l'instant. Bien sûr, on vous retrouvera tout au long de cette émission. Et n'hésitez pas à intervenir en cas d'action éclatante, en cas de but, pourquoi pas. On vous retrouve. Je ne manquerai pas de le faire. Un peu plus tard, mon cher docteur, ça va être à vous la parole. Je crois que vous vouliez commencer par un petit repère historique sur le football albanais. Ce match prometteur que nous attendons donc mercredi. Mais qui sont ces joueurs albanais et quelle est l'histoire de ce football ? Bah, c'est une histoire qui est assez opaque à vrai dire, et c'est là aussi l'intérêt de toute cette émission, c'est d'essayer de mieux comprendre l'Albanie à travers des Albanais qui habitent en Albanie, des Albanais qui ont quitté l'Albanie depuis longtemps, qui sont en France depuis longtemps comme Alma, et puis des gens comme Kevin qui ont vécu en Albanie pendant très longtemps, à Tirana en fait, comme la plupart des invités ici, et qui sont arrivés en France il y a moins d'un an. Et voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir un petit peu, d'essayer de comprendre comment le football était apparu, comment il était vu en Albanie depuis une cinquantaine d'années, depuis l'apparition du football européen en réalité. Et c'est vrai qu'on a trouvé, on s'est appuyé notamment sur un article d'un auteur du Guardian qui expliquait que voilà, le football albanais, finalement, avait été intégré depuis très très longtemps en réalité aux instances européennes, mais avec des va-et-vient permanents. Je ne sais pas si Kevin, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là, notamment de ce moment historique qui est un moment d'exclusion en fait de l'Albanie, la dictature d'Enver Hoxha qui a lieu de 1945 à 1985. Oui, en fait, le football albanais a commencé avant la dictature, même avant les années de guerre mondiale, mais où il y avait des équipes de Skodra, par exemple, qui jouaient le foot. Mais après, quand en Albanie est devenue une monarchie, le roi Ahmed Zogu, il a vu que c'était dangereux. la foot que c'est dangereux pour la jeunesse. Et du coup, il y avait des enjeux politiques qui s'étaient dessus. Donc, il y avait aussi que il fallait contrôler le foot parce qu'il y a eu un gros impact sur la population albanaise qui aimait voir. Et du coup, quand la dictature a commencé en Albanie, il y a eu des changements. Le foot a commencé d'être plus, plus évolué avec le temps. Et la première sortie d'Albanie, c'était avec l'équipe de Partizani contre l'équipe celtique. Je crois que c'était pour les championnats européens. Après, comme c'était la dictature, l'Albanie était fermée, les joueurs n'avaient pas aussi de possibilité d'évoluer ou d'aller jouer dans d'autres pays professionnellement. Du coup, ils sont restés en Albanie. Mais après, il y a eu quelques Albanais qui sont désertés. Par exemple, en Allemagne, il y avait un match amical. Il y a eu le gardien d'Albanie qui voulait rester là-bas. Mais du coup, comme c'était la dictature et il était dangereux pour sa famille aussi, il est venu. C'est l'histoire que mon grand-père m'a dit pour le foot en Albanie aussi. Et du coup, que l'Albanie a eu des grands footballeurs, joueurs qui, par exemple, Panayotis Panos ou des autres joueurs qui sont performés bien avec l'équipe nationale. Et du coup, c'est ça. Après, maintenant que c'est la démocratie, les joueurs sont possibilité de jouer partout en Europe ou au monde. Mais aussi, il y a aussi d'investissements qui se font en foot. Par exemple, maintenant, actuellement, c'est l'équipe de Kuksi ou de Skanderbeg qui joue en Albanie. Ils performent pas mal parce que avec le temps il y a eu des investissements qui sont faits sur place et c'est ça que les équipes qui n'étaient pas connues en Albanie maintenant sont devenues très fortes dans la ligue albanaise. D'accord. Eh bien, c'est vrai que c'est un point très intéressant. Marcel, peut-être you want to say us something about the past of football in Albania, in Albanese, and Halma will do the traduction. Pa dëshim, faleminderit Halma. Futbolli në Shqipëri ka qenë një nga të paktat kënaqësit që prindrit tanë kanë patur në kohën e diktaturës. Le football albanais a été une des peu plaisirs qu'on avait à l'époque de la dictature en Albanie. Dhe ka qenë një lidhës joni me pjesën tjetër të Europës, sepse shumë gjëra ka qenë ndaluar në atë kohë. Parce que c'était le seul moyen en fait pour faire le lien entre l'Albanie et le reste du monde. Kampionati Evropian dhe kampionati botëror kanë qenë gjithmonë të ndjekur nga shqiptarët në përgjithësi. Dhe të gjithë janë tifoz me një skuadër të madhe në Europë, si për shembull me Gjermaninë, me Italinë apo me Francën, apo dhe me Anglinë. Le football, il a été toujours suivi par les Albanais, comme par exemple le championnat européen, le championnat mondial. Et ils ont été toujours supporters avec une équipe, l'équipe, par exemple l'équipe allemande. Duke qenë të izoluar, ne nuk mund të zhvillonim futbollin në Shqipëri, nuk kishte mundur të zhvillosh futbollin në Shqipëri. Kështu që ky ndryshim filloi pas vitit 90 me hapjen e Shqipërisë. Et comme pendant la dictature le pays était isolé, ça a été difficile de pouvoir faire évoluer ce sport en fait. Et du coup, ça a été à partir des années 90 que doucement cela a pu être possible. Dhe më në fund, pas ndërës 10 vjeçare të gjyshërve tan apo prindërve tan, erdhi momenti që Shqipëria është evropian për të parë. Et ensuite, c'était le rêve de nos ancêtres, de nos grands-pères, de nos ancêtres. Voilà, le rêve a pu être réalisé et l'équipe albanaise, enfin, peut être partie, faire partie de l'Euro 2016. Nemi Krenarch, jemi këtu, jemi pjesë e këtij Europiani, bashkë me shokët e mi, dhe ashtu si me mira, 10 mijëra shqiptarë që kanë ardhur nga gjithë anët e Europës dhe të botës, jemi këtu dhe do të ndjekim kombëtarën deri në fund. Et nous sommes fiers, très fiers d'être ici et de pouvoir participer et suivre ce championnat européen, mes amis et moi, et des Albanais partout du monde qui sont venus voilà, pour suivre les différents matchs. Merci Marcel. Tout de suite, on va enchaîner avec un documentaire oui, qui est assez exceptionnel. Je crois, docteur, que vous nous avez préparé une petite archive vidéo sonore. Du coup, une petite archive sonore, et je crois que ce qui est assez intéressant, si j'ai bien compris cette archive sonore, c'est que c'est un document d'un match entre le Partizani Tirana, qui est le grand club donc des partisans de l'armée en fait albanaise originellement, qui l'emporte en fait face au fameux Celtic de Glasgow dans les années 70, en 79 pour être plus précis. Il faut dire qu'en fait, les équipes albanaises avaient deux très bons résultats, en réalité à domicile, mais il s'avérait qu'en fait, elles disparaissaient fréquemment des compétitions, puisqu'elles se retiraient en fonction des vicissitudes diplomatiques et des choix probablement du parti au pouvoir en Albanie. Donc on écoute ce petit moment d'archive. Para partizanit qëndronte skuadra e njohur Celtic, 31 herë kampione e Skocisë dhe në vitin 1967 kampione e kontinentit. Që në minutët e para, partizani filloi të rrezikonte portën kundërshtare. Aksionet e fuqishme dhe saktësia e gjuajtjeve e zhvendosën gjithë lojën në gjysmën fushën e mikëve. Pas një presioni të vazhdueshëm në minutën e 35, Partizani arrin të shënojë golin e parë me anën e Moratit. Skuadra jon vazhdoi të sulmoi duke krijuar mjaft raste shënimi, por pa rezultat. Vetëm në pjesën e dytë të lojës, Skocezët hedhin vështrimin nga porta e Partizanit. Celtiku kalon në lojën e tij të njohur, sulmi i shpejt i vazhdueshëm me një ritëm të pandërprerë. Tani Partizani luan sa në mbrojtje në sulm, por rezultati mbeti i pandryshuar dhe skuadra jonë fiton kështu këtë ndeshje me rezultatin 1-0. Alors docteur, en dehors de cette belle petite musique enjouée qui illustre, qui orne ce documentaire, c'est pour l'instant un petit peu obscur pour nous-mêmes ici sur le plateau et pour nos auditeurs, j'imagine. Vous allez nous proposer une traduction, un petit peu nous dire ce qui se raconte un peu. Alors moi, surtout ce que j'ai envie de poser comme question, c'est qu'il s'agissait d'un match du Partizani contre le Celtic Glasgow, comme on l'a dit. Ce qu'on a surtout envie de savoir et de comprendre, il faut bien replacer aussi les choses dans un contexte général. C'est-à-dire qu'en France et en Europe, à l'époque, il n'y avait pas non plus des diffusions de football si fréquentes que cela. Hein. C'était pas si fréquent. Mais ce qui serait intéressant de comprendre, c'est ce que disait Marcel tout à l'heure. Il disait que le football, c'était le moyen finalement d'avoir une ouverture et un contact avec l'Europe. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est de quelle manière tout ça a changé. Est-ce que ça a été progressif, par exemple, à la mort d'Enver Hoxha en 1985? Est-ce que tout a changé? Ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, au bout d'un moment, une explosion de football? Est-ce que c'est intéressant, etc.? Est-ce que l'un d'entre vous aura envie de répondre à ce que je dis, je pense que vous comprenez peut-être, peut-être que Alma peut traduire, mais c'est... Voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre en fait le changement qu'il y a eu en fait du passage d'une société qui voit le football comme effectivement une obligation vis-à-vis de sa population, à un passage où le football devient finalement un aspect du spectacle et un contact avec l'Europe. Edor? Skuadrat shqiptare kanë bërë shumë përpara, duke filluar nga viti 88 me ndeshjen e famshme Flamurtari Barcelona. Les matchs albanais ont pu avancer beaucoup dans leur jeu, en commençant par l'année 1988 avec Flamurtari Barcelona. Ah oui, une équipe albanaise qui s'appelle Flamurtari contre Barcelone. Në Ligën e Kampioneve. C'était dans la Ligue du Championnat. Des champions, excusez-moi. Ku ndeshja e parë përfundoi 1-1. Në Vlorë. 1-1 në Vlorë. Vlorë Albanie. Le résultat était 1 contre 1. Dhe 0-0 dhe 0-0 në Spanjë që bëri të mundur kualifikimin e Barcelonës. Përndryshe do kishin Flamurtarin Shqipërinë në vitin 88 në fazën e grupeve. Et donc ensuite avec le résultat 0-0 en Espagne, mais ce qui a donné que en fait j'ai pas très bien suivi. Ouais, voilà, ce qui a donné la qualification Të njëjtën gjë ka bërë dhe Apollonia, që pati të mundur ndeshje me një skuadër të Francës, me Auxerre-in, por nuk pati këtë fat si Flamurtari, por pati mundësinë të ndeshë me një skuadër franceze. Et ensuite, ça a été possible de jouer avec une équipe française, mais sans gagner. Mais voilà, avoir la chance de gagner, de jouer avec une équipe française. On doit te dire quelque chose personnel avec toi, en lien avec ton ndeshje në Smelioni. J'aimerais raconter quelque chose de personnel en lien avec. En lien avec l'isolement que ka pasur Shqipëria. En lien avec l'isolation. Qui a eu pendant la dictature en Albanie en lien avec le foot aussi. Duke qenë të vegjël dhe mua personalisht babai më ka çuar në ndeshjet e Apollonisë së Fierit për t'i parë për t'i ndjekur në stadium. À l'époque moi j'étais jeune, assez jeune et mon père m'a amené à suivre les matchs à Apollonia de Fier. Ka mund të qenë vitin 87 apo 88 nuk më kujtohet mirë. C'était à peu près vers les années 1987-88. Në momentin që na ra me Auxerre-in e Francës, duke qenë se ne nuk kishim informacion në lidhje me skuadrat e tjera të Evropës. Et au moment où l'équipe contre laquelle l'équipe albanaise allait jouer était l'équipe de France. D'ailleurs, moi, je ne connais pas. Auxerre. En fait. Auxerre. Ah, ok. Auxerre. Unë mendoja, duke qenë fëmijë, duke mos njohur Europën, pjesën tjetër të Europës dhe Shqipërisë, mendoja që padyshim Apollonia do ta shkatërrojë Auxerre-in. Et comme on n'avait pas beaucoup de connaissances sur l'équipe française, moi, étant jeune, je pensais qu'on allait gagner, qu'on était très fort, qu'on allait gagner contre l'équipe française. Voilà, on allait les détruire. Les destruction. Voilà, destruction. Les Français. Pour le vërtet, si je peux imaginer, je comprends ndryshe, në Shqipëri rezultati doli 5-1 për Auxerre-in dhe në Francë 5-0 për Auxerre-in. Rezultati 10-1. Mais les résultats ont été complètement différents. Ça a été 5-1 pour l'équipe française, le jeu en Albanie, et ensuite 5-0 en France. Donc un total de 10 buts réussis par l'équipe française. Pas de chim, pas de chim, duke qenë dhe fëmijë, por këtë e thash thjesht për humor dhe për të treguar sa të izoluar ishim ne dhe sa nuk e njihnim ne pjesën tjetër të botës. Et donc pour moi c'était une grande déception à l'époque, mais j'ai raconté cette histoire pour justement plaisanter un peu là-dessus. Alors, je sais pas, docteur, si vous aviez expliqué le principe et le nom de cette émission des Bâtons d'Anguirou, puisqu'on vient de parler du club d'Auxerre, il serait peut-être bon d'expliquer ça à nos invités, ce fameux jeu de mots où on le fera en antenne visiblement. Alors, on va retrouver Belle Pirouette. Je suis un petit peu inquiet quand même du coach. Vous l'avez relégué sur le banc des remplaçants. Est-ce que vous le mettez à l'échauffement? Qu'est-ce qu'il devient? Dites-nous tout, parce que les auditeurs, je crois qu'on a déjà eu un coup de fil. Il fait ses mantras. Il mentalise, comme tout bon coach qu'il est, il fait ses mantras. Et ne vous inquiétez pas qu'il ne perd pas une once de cette discussion. À mon avis, il parle albanais, le chip, comme on dit, avec... avec brio. Alors on va, je pense que c'est la mi-temps à Lyon là de ce match Italie-Brésil. On va retrouver brièvement Magic qui va peut-être nous faire un petit compte-rendu de cette première mi-temps, nous dire ce qu'il en est. Magic, est-ce que vous nous entendez? La liaison n'était pas très bonne tout oui, à l'heure. Oui, mais... les meilleurs maintenant, parfait. Les meilleurs. Et je vous remercie. Et puis on était pris tout à l'heure dans le feu de l'action, au cours du match. Donc je voulais simplement, remercier, dire bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs, nos auditrices, parce que c'est spécial. C'est la première fois que je reviens sur Radio Galère depuis un bon petit moment. J'ai été pris par d'autres charges qui m'ont amené un peu partout dans le monde. Et donc, un petit bonsoir spécial à tous nos auditeurs. Alors, sur ce match-là, formidable ce match. Après le fameux but italien, l'équipe belge s'est réveillée, a considéré qu'il était presque comme en deuxième mi-temps et que le match allait être perdu. Et donc a commencé à accélérer de toutes parts, à faire des passes, à redoubler de passes et à se montrer très très incisif sur ses attaques, très agressif. Le match s'est emballé et on a assisté à une formidable deuxième partie de première mi-temps. Et les Italiens avec toute l'expérience qu'on leur reconnaît, n'a pas été en reste non plus. Et elle a plutôt procédé par contre à plusieurs reprises. Les Diables Rouges se sont fait surprendre. Et l'Italie s'est montrée réaliste au cours de cette première période en ouvrant la marque donc par Giacchierini, trouvé super moment après cette longue ouverture de Bonucci. Et les Belges vont devoir faire encore plus, accélérer dans cette deuxième mi-temps s'ils veulent revenir au score et peut-être passer devant. Mon cher Magic, pressentez-vous des changements? Est-ce que vous sentez que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut que cette équipe de Belgique continue simplement sur sa lancée, pousse, ou alors il faut insuffler un peu de sang neuf? Pour ma part, je crois que on m'a pas signalé de changement pour l'instant. Donc je pense que les deux équipes vont retourner sur le terrain avec les mêmes joueurs. Je connais un petit peu la philosophie et la tactique de l'entraîneur belge Wilmot, et il fait énormément confiance à ses joueurs. Et je pense que s'il devait changer quelqu'un à la mi-temps, ça serait lui témoigner ne pas lui témoigner de confiance, et ça serait désarmant pour cette équipe belge qui a beaucoup besoin de confiance de la part de son entraîneur, du public, de tous les coéquipiers. Je pense que s'il doit y avoir des changements dans l'équipe belge, elles le se feront à partir de la fameuse 60e minute. La fameuse 60e minute, celle que vous chérissez tant, mon cher Magic, pour planter... Là, c'est là où il se passe, en général, moi qui connais le foot, là où il se passe le plus grand nombre de choses sur un match. Donc, je pense que peut-être il va passer à deux attaquants, en gardant à la fois Lukaku, en sortant un milieu de terrain, peut-être Witzel, qu'on voit pas très bien ce soir, et mettre notre Marseillais, Michy Batshuayi. Ah, Michy, oui, bien sûr. Bien sûr, Michy, des nouvelles de lui, il est en forme? Il est très affûté, on a pu les apercevoir à l'entraînement. Il y a quelque chose, je crois qu'il est dans sa tête, il n'est déjà plus dans cet état d'esprit marseillais qui l'a lourdement empêché l'année dernière, au cours de la saison dernière. Et là, retrouvant ses coéquipiers belges, flamands et wallons, il a l'air d'être libéré et ça peut donner quelque chose de pas mal. Alors notre traductrice ce soir, Alma, nous a préparé une petite sélection musicale. On vous propose d'écouter ce premier morceau et on la laissera commenter ensuite et nous raconter ce que c'est. C'est parti. C'est des bâtons d'Anguirou spécial foot Albanie. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 à Marseille. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous appeler au 04 91 08 28 10 ou bien, si le cœur vous en dit, au 04 91 08 28 15. Cette émission est préparée par le docteur Lehmann, le docteur Lehmann qui a de grandes accointances avec l'Albanie. D'ailleurs, je me disais, docteur, que peut-être pour nos plus jeunes auditeurs, vous pourriez un peu resituer géographiquement aussi ce pays qu'est l'Albanie, puisque d'autant plus qu'en fin d'émission, je sais que nous ferons un très très beau jeu de mots avec la politique française. Nous parlerons des Balkans, de Balkany. Et du coup, peut-être qu'il serait bon de nous redire où est vraiment ce pays. Eh bien, l'Albanie se trouve dans ce qu'on appelait avant l'Illyrie, hein, c'est-à-dire dans les Balkans, cette péninsule qui s'étend de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie à la Grèce. Et l'Albanie se trouve donc au sud-ouest de cette grande péninsule. En réalité, voilà, l'Albanie qui est indépendante depuis, je crois, 1912. Voilà, qui fait partie de tous les États qui se sont progressivement libérés de l'Empire ottoman. C'est un espace qui était qui a très tôt été occupé par des populations qu'on appelait les Illyriens, en fait. Donc on peut considérer, même si c'est toujours très complexe ces histoires ethnologiques, que les Illyriens sont à peu près les premiers habitants de cet espace-là. Voilà, donc c'est un petit pays actuellement avec 3 millions d'habitants, mais en fait il y a beaucoup d'Albanais qui habitent dans les États limitrophes, que ce soit la Macédoine, la Grèce, le Kosovo, le Monténégro. Voilà. Merci mon bon docteur. Alors une question à Alma qui nous a préparé cette sélection musicale. Nous raconter un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'était un morceau de danse. Qui est originaire de l'Albanie du Nord, de la région de Tropoja, qui se trouve vraiment au nord du pays. Il y avait plusieurs instruments, une sorte de flûte, un petit luth à deux cordes, Et on joue avec, enfin, on pince les cordes à l'aide de l'index. Et ensuite, il avait le tambour et l'aout, c'est un autre instrument à une corde et qui est joué avec un archet. Voilà. Merci beaucoup, Alma. Docteur, je vous propose d'éventuellement retrouver quelques instants avant de poursuivre cette émission magique au stade. Je crois que la seconde période a repris. Juste savoir si tout va bien là-bas. Tout va très bien, la deuxième mi-temps a repris, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de changement, la deuxième mi-temps a repris sur des bases très très élevées en termes d'intensité de jeu et de rapidité. Les Belges tiennent le ballon encore un petit peu plus que les Italiens, ils veulent aller de l'avant, ils se rendent compte que si on veut marquer contre les Italiens, eh bien il va falloir donner le maximum parce qu'elle est très rude, très très difficile à passer cette défense italienne et évidemment le jeu direct des Italiens emmené par Conte et tous ces attaquants au milieu et défenseurs qui attaquent en même temps peut faire très très mal. La défense belge a été surprise à plusieurs reprises et donc ça peut donner énormément de buts ce match, très agréable à regarder. On sent l'inquiétude chez nos amis belges, dans tout le public on aperçoit des regards presque catastrophés, mais pour l'instant tout va bien, le jeu continue dans un super état d'esprit, il y a très peu de fautes et c'est magnifique à voir. Ça fait plaisir de vous entendre de nouveau sur l'antenne de Radio Galère Magique. Vous avez l'air vraiment... Oh là là là là, et là encore une attaque sur le côté droit de l'Italie qui va jusqu'au bout et un petit centre qui est contré in extremis et ça a failli faire une balle de 2-0 pour l'Italie. Mais tout va bien, toujours 1-0 ici. Je vous remercie mon cher Manuel. À tout à l'heure Magique. Alors docteur, on va reprendre le fil de cette émission. Il était question qu'un invité supplémentaire fasse son apparition, l'ami Guazzi le Magnifique, qui devait nous parler du Canoun. Alors je suppose que comme son absence est remarquée sur le plateau, on va l'aborder d'une manière différente. Je vous laisse introduire quelque chose qui pour moi est un mystère. Oui, alors Lukaku fasse tout seul. Oh là là là là là, magnifique. Excusez-moi, je reprends l'antenne parce que un tir extraordinaire de Lukaku après une merveille d'ouverture par De Bruyne qui a failli faire passe. J'en ai encore les frissons. On regarde sur les écrans du stade le ralenti, une merveille d'ouverture et Lukaku qui lobe le gardien mais qui va se loger juste à côté, à 30 cm des cages. C'était magnifique. Excusez-moi, je vous redonne. Vous faites bien de prendre la parole, Magic, quand il se passe quelque chose au stade. À vous, docteur. Oui, on voulait évoquer avec Julien la pratique du canoun, c'est-à-dire en fait un système de règlement, en fait, une forme de législation, en fait, qui se pratique actuellement encore dans l'Albanie du Nord-Est, donc dans la région dont parlait tout à l'heure Alma, en réalité. Où tout un système législatif lié avec le prix du sang, notamment avec des systèmes de vendetta, avait été illustré notamment dans des livres comme celui d'Ismaïl Kadaré qui s'appelle Avril brisé, et avec des vendettas familiales qui peuvent durer pendant des années. Mais je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus sur le canoun, peut-être Marcel. Ok, canouni. Është themeluar të themi nga Lek Dugagjini në shekullin e 15. Le canoun a été fondé par Lek Dugagjini au 15e siècle. I cili ishte një nga zotërit e principatave në atë kohë që ekzistonin në Arberin e hershme. Et c'était un des princes à l'époque du 15e siècle de l'Albanie, du 15e siècle. Për të folur disa gjëra shkurt, gjëra që më janë interesante në lidhje me kanunin, unë do të theksoja. Pour dire certaines choses qui pourraient être intéressant à évoquer. Për shembull, një nga gjërat që Në kohën, në shekullin 15 dhe në vazhdimësi deri në shekullin e 20, ishte liqme, ishin vrasjet. Pra vrasjet ishin të liqme, por me antë një regullit të caktuar. Alors, à partir du 15e siècle jusqu'au 20e siècle, quelque chose qui était légal en Albanie, c'était les meurtres, si on peut dire comme ça, voilà. Pouvoir avoir le droit de tuer des personnes. Pra, dikush, i një fisi mund të vriste për hakmarje, dikë tjetër të një fisi tjetër, dhe kjo gjë lejohej nga i Zoti i Principatës, por ai që vriste duhet të paguante një taksë të caktuar tek ai. Donc c'était toléré de pouvoir tuer quelqu'un d'une famille. Et ensuite, ce qui se passait, c'était en fait qu'il y avait carrément pour ce type de vendetta un prix. Një rregull tjetër interesant ishte që kur martoheshin një çift, familja e nusës dërgonte vendoset tek paja e nusës një plumb. Dhe me këtë plumb nënkuptohej që familja e dhëndrit kishte të drejtë ta vriste nusën me atë plumb, në qoftë se ajo nuk tregohej e ndershme në lidhje me burrin e vet. Pour un autre cas, quand il y avait un mariage, la famille de la mariée mettait un... J'arrive pas à trouver le mot... Une pour tuer... Une balle. Ah oui, une balle, voilà. Une balle dont toutes les choses que en fait, la femme devait apporter dans la famille de son mari. Pour justement, et ça c'était pour dire que si notre fille ne se comporte pas bien, n'est pas honnête, etc., vous avez le droit de la tuer. Dhe një të fundit, në momentin që dikush vriste një pjesar të një familje, pjesar të sa familje të burit të themi të vrar, linin këmishën me gjak në oborin e shtëpis, deri sa të mere i haku, dhe ajo këmishë nuk laje asë njerë. Sepse në këtë mënyrë kujton të pjesëtarët e familjes për hakun që duhet të merrnin për të vrarin. Et dans le cas où quelqu'un était tué dans une famille, ce que les gens de la famille faisaient, c'était ils prenaient la chemise avec le sang de la personne tuée et il a laissé un endroit de la maison justement aussi longtemps pour leur rappeler que tant que quelqu'un de l'autre famille qui a commis le crime n'est pas tué, eh bien, cette chemise va rester dans leur maison. Voilà. Eh bien, merci pour ces éclairages. Je crois, docteur, que c'est à vous la parole maintenant, une fois de plus dans cette émission, mais peut-être pour une chronique cette fois-ci. Pas du tout, monsieur Manuel. Écoutez, c'est ce que je lisais pourtant sur le... La chronique, c'était effectivement, on avait eu envie avec Julien de transposer ces règles du canoun sur la pelouse, quoi. Mais c'était l'idée qu'on avait. Je me permets d'insister. Je vois le foot par procuration, les échoppes de Paris, les matchs truqués, l'interdiction de la Coupe d'Europe pour Skanderbeu des Corsets l'année prochaine. Chronique du Doc. Voilà où j'en étais moi pour le dérouler. Mais vous allez me dire ce qu'il en est. Il est vrai que je m'étais un petit peu avancé. Oui, non, j'aurais pas le temps de faire de chronique là-dessus. Ça fait écho effectivement à mon passage il y a 4 ans en Albanie où j'avais découvert. Quand même que ce qui était marquant dans ce pays qui, à l'époque, regardait l'euro, c'est que la plupart des cafés étaient équipés d'écrans géants, en fait, et de systèmes de paris. C'est-à-dire que, on est dans un pays qui est quand même un pays relativement pauvre, et en fait, dans tous les cafés, dans toutes les villes, il y a un nombre de cafés considérable, en fait, avec des écrans géants et avec des systèmes de paris en ligne. Et ça m'avait extrêmement surpris de voir comment même aussi la population finalement albanaise suivait énormément tous les championnats européens, était extrêmement connaisseuse de tout le football européen, et puis finalement vivait son football par procuration. Et c'est vrai qu'une des... Un des aspects de cette question-là, c'est la situation actuellement dans le championnat albanais. On évoquait le phénomène sous la dictature d'Enver Hoxha, avec des équipes qui finalement se retirent spontanément des Coupes d'Europe pour ne pas affronter des équipes qu'on va dire comme étant démoniaques, c'est-à-dire non marxistes-léninistes. Et en fait, actuellement, voilà, on a une structuration du football albanais très très libérale, avec toujours en réalité pas mal de corruption, puisque récemment le club de Skënderbeu, donc qui tient son nom de Skënderbeg, le père de l'Albanie, on va dire. Donc il y a un club qui est de Corsa par exemple qui a gagné le championnat récemment, qui est le nouveau club en fait albanais, bien vient d'être interdit en fait de Coupe d'Europe en fait à cause de scandales financiers. Alors la question que j'avais envie de poser un petit peu, et là je vais m'adresser plutôt à Henry, c'est est-ce que vous pensez que l'Albanie qui est en train de se développer, en réalité, il y a de plus en plus d'activités économiques en Albanie. Est-ce que l'Albanie, d'ici quelques années, quelques temps, va réussir à se structurer de manière à présenter des équipes européennes compétitives, ou est-ce que ça vous semble vraiment, pour l'instant, trop prématuré pour un pays qui, en fait, s'ouvre finalement très, très progressivement à l'Europe ? Ok. Praktikisht pas vdekjes Enver Hoxhës, pas viteve 90, por sidomos këto 10 vitet e fundit, ekipet shqiptare kanë filluar të investojnë shumë në futbollin e tyre. La réalité est que après la mort de Enver Hoxha et après la dictature, les équipes albanaises de foot ont commencé progressivement à investir beaucoup sur le foot albanais, sur les équipes. Kan filluar të blejnë gjithmonë më shumë edhe sportistë të huaj nga shtetet të huaja, por edhe duke investuar në lojtarët e tyre të brendshëm. Ils ont commencé à prendre de plus en plus de joueurs étrangers, mais aussi à investir sur les joueurs albanais. Skënderbeu themi është themeluar që në 1990 dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ka arritur të fitojë 7 kampionate, diku një në 1933 dhe 6 fundit nga 2010 e këtej. L'équipe Skënderbeu a été fondée en 1906 et depuis cette équipe a gagné 7 championnats. Ça a été le premier en 1936 et les autres au fil du temps. Dhe gjashtë fundit pas 2010. Okay. Et les 6 derniers ont été après 2010. Të gjashtë janë fituar me radhë dhe ka thyer çdo rekord në Shqipëri. Comme ça, cette équipe a pu battre des records en Albanie. Dhe në këto vitet e fundit ka arritur të marrë pjesë në kupat europiane, si në Europa League, ku erën e parë është eliminuar nga Dinamo e Zagrebit. Dinamo e Zagrebit, po. Cette équipe a pu participer aussi à des matchs et à des championnats en Europe et en 2015 a été éliminée par l'équipe de Dinamo de Zagreb. Kurse në 2016 ka arritur deri në fazën e grupeve, ku është ndeshur dhe me Sporting Lisbonën. Et en 2016, il a pu arriver jusqu'au dans la phase des groupes. De groupes. Je sais pas, oui, c'est ça, en français. Je ndesh me Sporting de Lisbonne. Et il s'est confronté avec l'équipe de Lisbonne. Ku në Lisbonë humbi 5-1, por në Korçë fitoi 3-0. Où à Lisbonne, il a été et il a perdu 5-1, voilà, et Në Korçë fitoi 3-0. Et à Korçë en Albanie a gagné 3-0. Alors docteur, on a beaucoup parlé dans cette première partie d'émission, à moins que vous ayez une nouvelle question à poser, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé la chic. Non, je vous en prie, Manuel, je vous en prie, si personne n'a envie de rebondir, allez-y, Manuel. Oui, on a beaucoup parlé du football en Albanie, des clubs albanais, et c'est vrai que vous vouliez vous faire évoluer aussi cette émission sur la question de l'équipe nationale albanaise, je crois. Et du coup, moi, c'était une question que j'avais envie de poser à nos invités, puisque pour avoir lu il y a quelque temps des interviews, notamment de Lorik Sana, le capitaine de l'équipe d'Albanie, il expliquait les meilleurs résultats assez récents de l'équipe d'Albanie, aussi par l'exportation de jeunes joueurs albanais dans des clubs européens. Et c'est vrai que le parcours de Lorik Sana est assez explicite par rapport à ça, puisqu'il est venu jeune en France, il est venu jeune jouer dans le club de la capitale. Et lui, il dit que finalement, beaucoup de jeunes joueurs albanais ont reçu du coup une formation à l'européenne un peu plus conséquente et reviennent jouer pour l'équipe nationale d'Albanie, ce qui aujourd'hui explique les meilleurs résultats de l'équipe d'Albanie. Alma, si c'est possible de traduire un peu cette question-là, ou alors on va laisser. En fait, c'est bon, ça a été traduit de l'anglais. Ah, très bien, on va laisser Marcel peut-être répondre, c'est ça? En anglais. En anglais, en albanais. En albanais, ok. Lorik Sana est leader des squadres. Tashme, il a une carrière de jazz, mais comme tu as un chiptare, pas du chim, il a une carrière de jazz, Diegen. Eh bien, Lorik Sana est le leader de l'équipe albanaise. Il a une très longue carrière et tout le monde le suit. Albanais. Është vërtet që Lorik Sana është ai që ka bërë një karrierë të vërtet europiane, i vetmi shqiptar i parë. Et c'est vrai que Lorik Sana est le seul Albanais qui a fait une vraie carrière, enfin le premier, et qui a fait une vraie carrière en Europe. Dhe ai ka qenë, themi, një trampolin për gjithë lojtarët e tjerë të rinj shqiptar që të bëjnë një karrierë në skuadrat më të mira europiane. Et il a été un tremplin pour les autres Albanais, justement pour ouvrir les voies aux autres joueurs albanais qui voudraient s'investir et jouer dans des équipes en Europe. Ai është kapiteni ynë, pa dyshim. Na vjen keq që me Francën nuk do luaj, por për atë çfarë ka bërë në gjithë historinë e tij dhe për atë çfarë do bëjë në ndeshjen me Rumaninë, se jam i sigurt që me Rumaninë do shkëlqejë, do fitojë. Ne jemi mirënjohës. Il est notre capitaine et je suis vraiment désolé qu'il va pas pouvoir jouer avec l'équipe de France, mais de toute façon, je sais que avec l'équipe de Roumanie, il va briller et ça va être un très beau match. Alors, et nous sommes reconnaissants, reconnaissants par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe albanaise. Alors docteur, on va vous laisser continuer sur cette question de l'équipe nationale albanaise. Vous vouliez développer le sujet, notamment sur l'idée, pourquoi pas, des rapports avec les pays limitrophes, pourquoi pas avec l'idée d'une équipe nationale un peu plus globale avec les pays frontaliers. Je ne sais pas vers où vous vouliez aller, mais... Alors non, justement, ce qui se passe en Albanie, et c'est vrai que tout à l'heure vous nous parlerez de Lorik Sana un peu plus longuement, Manuel, dans une formidable chronique. Mais pour revenir à la question de l'Albanie, effectivement, ce qui se passe, c'est que actuellement l'équipe d'Albanie, elle est composée majoritairement de joueurs en fait qui ne sont pas nécessairement ni nés ni résidents en Albanie, dans le territoire de l'Albanie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui viennent du Kosovo. Lorik Sana vient du Kosovo. Et en fait, ce qui va se passer très bientôt, et depuis le 13 mai, notamment, l'UEFA a reconnu le Kosovo comme un État indépendant, donc qui pourra participer aux qualifications, et l'Albanie va se voir confrontée à une forme de paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, les Albanais d'Albanie sont assez contents que le Kosovo soit reconnu comme un pays à part entière, puisque voilà, c'est des albanophones. Mais d'un autre côté, en fait, l'équipe d'Albanie va perdre près de la moitié de ses joueurs, en fait, de ses titulaires, puisque la plupart, en fait, des joueurs qui sont de nationalité albanaise actuellement, c'est des joueurs qui ont été formés à l'étranger, et c'est notamment beaucoup des joueurs qui sont partis du Kosovo, puisque voilà, ils sont partis pendant la guerre du Kosovo, ils sont allés en Suisse notamment, et donc ça va amener une forme de problème, de nouveaux problèmes pour l'équipe d'Albanie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, peut-être Kevin, je ne sais pas si tu as envie de réagir là-dessus. Oui, par exemple, Loïcana, il a fait bien le rôle de négociateur avec tous les Albanais de Kosovo qui vivaient d'ailleurs dans tout le monde pour venir jouer en Albanie. Et maintenant que le Kosovo est reconnu par UEFA, les déclarations des joueurs, c'est que rien va changer. Ceux qui sont des joueurs pour l'Albanie, ils vont rester pour jouer encore pour l'Albanie. Et on ne sait pas encore pour les. Il y a un problème avec des joueurs qui jouent albanais de Kosovo qui jouent avec les Suisses, s'ils vont aller jouer avec l'équipe de Kosovo ou pas. Donc ça, c'est à voir. Il y avait une question qui était posée à Jerdan Shaqiri, qui joue en Suisse, avec les Suisses. C'est un joueur très connu et lui. Shaqiri. Oui, Shaqiri. Oui, poulet. Qui est bien connu dans le monde. Il a joué avec le Bayern Munich. Munich. Et du coup, lui, il a laissé la conversation ouverte s'il va jouer avec le Kosovo ou pas. Il a dit que maintenant je joue avec les Suisses, mais en futur, je ne sais pas. Alors, je crois que la législation, par contre, est très claire là-dessus. C'est que la réalité, c'est qu'il n'y a que les joueurs qui jouaient avant pour un pays dont ce pays fait sécession qui pourront porter ce maillot-là. Donc, en fait, il n'y a que les joueurs de l'ex-Serbie qui peuvent jouer pour l'équipe du Kosovo. Or, il n'y a aucun Albanais qui jouait pour la Serbie jusqu'alors, je crois. Hein, peut-être que c'est déjà arrivé. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par rapport aux nouvelles générations, ouais, par rapport aux jeunes qui vont arriver dans quelques années, qu'effectivement va se poser la question, est-ce qu'il va y avoir un réservoir suffisant pour l'Albanie pour réussir à maintenir une équipe qui reste quand même une équipe assez, que moi je trouve assez performante, et c'est vrai qu'on verra par la suite. Mais hyrin e Kosovës, pranimin e Kosovës nga FIFA, është e vërtet që ne tifozët e Shqipërisë jemi midis dy rrugësh. E para, që ne na pëlqen që më në fund UEFA dhe FIFA e njohin Kosovën. Alors bon, il y a des changements avec l'acceptation du Kosovo par le FIFA. Mais Marcel, pra, është me njohjen e Kosovës. Ne na bëhet qefi, sepse jemi shqiptar dhe Kosova në këtë moment të vështirë të historisë së saj, ne mbështesim futjen e saj si tifoz shqiptar, pranimin e saj në UEFA dhe në FIFA. Et bon, avec la reconnaissance du Kosovo par le FIFA, nous tous les Albanais, nous sommes très contents de voilà de cette reconnaissance. Por nga ana tjetër, padyshim që ne na vjen shumë keq, sepse mendohet që do ketë rrjedhje nga ekipi kombëtar shqiptar. Rreth gjysma e ekipit kombëtar shqiptar aktualisht është me shqiptar kosovar. Mais de l'autre côté, nous sommes désolés parce que c'est vrai que bon, il y a une grosse perte, la moitié de l'équipe, comme il a déjà annoncé le docteur, voilà, tout à l'heure. E vërteta është që ne na është bërë një padrejtësi që mendarin e Shqipërisë, të themi, të në trojët e veta, apo Shqipërisë e madhe si quhet, mendarin e saj në disa kombe. Et bon, il y a quelque chose de bien d'injuste qui nous a été fait il y a très très longtemps avec la division de l'Albanie en plusieurs Parani chevoli en plusieurs petits pays, enfin ou une, comme par exemple une part qui a été donnée à la Serbie d'aujourd'hui. Dhe ky ribashkim, të themi, në futbol, që ndodh këto vitet e fundit. Et cette réunion de cette réunion, false. Voilà, cette réunion à travers le foot pour les pays albanophones. Është një fitore jo vetëm për futbollin, por edhe në lidhje me historinë që është treguar jo e drejtë me ne si shqiptarë. C'est un grand pas vers l'avant pour l'Albanie et pour l'histoire du peuple albanais. Dhe kështu që kështu të bashkuar siç jemi dhe krenar siç ndihemi sot për këtë arritje, ne logjikisht ashtu duhet të ndihemi edhe në të ardhmen për një Shqipëri të vetme, me troje në Shqipërinë etnike, të themi, siç ka qenë më parë. Et avec voilà, comme ça on va se sentir unis, on se sent déjà unis et ça va être quelque chose qui va nous porter vers l'avant et on va être toujours unis et se sentir gjithsesi zgjedhjet e çdo lojtari janë të tyre dhe ata mund të vendosin në mënyrë të lirshme se cilën kombëtare do zgjedhin në të ardhmen, atë kosovare apo shqiptare. Ne personalisht tifozë jemi ne dëshirojmë dhe mbështesim thirrjen e kapitenit Loricana që gjithë lojtarët më të mirë të luajnë shqiptar, kosovar, maqedonas, malazez, pra gjithë shqiptarët në këto treva të luajnë për Shqipërinë. Mbështesim të tjerë. Après, de toute façon, ce sera à chaque joueur de décider pour quelle équipe il voudra jouer, pour l'équipe albanaise ou l'équipe de Kosovo. Tous ces joueurs albanais qui viennent de différents pays des Balkans où se trouvent des Albanais. D'ailleurs, je crois qu'il était bon de rappeler que Loricana avait eu beaucoup d'influence sur les jeunes joueurs albanais. Je pense que lui-même a plusieurs nationalités. Je crois qu'il a la double nationalité au moins française et albanaise et qu'il a choisi de représenter l'Albanie. C'est vrai que ça a dû avoir un poids assez important pour quelques jeunes joueurs pour qui Loricana est une sorte de modèle. On va retrouver brièvement Magic au stade avant une nouvelle pause musicale. Je crois que ça chauffe vraiment beaucoup à Lyon en ce moment. Ah, le match est en train de se tendre, mon cher Manuel, puisque les joueurs belges, nos amis belges, eh bien, commencent à s'impatienter. Ils se sentent de plus en plus impuissants. Ils commencent à faire des frappes tout seuls, des dribbles très personnels. L'équipe d'Italie tient, et pour l'instant, elle tient bien, sauf que eh bien les Belges insistent de plus en plus malgré tout, et parfois ça passe un petit peu, et les Italiens seront obligés d'accrocher du maillot, comme ils savent très très bien faire au milieu de terrain, et ça agace les Belges qui commencent à protester auprès de l'arbitre, et les premiers cartons ont été distribués, le match se tend un petit peu, mais c'est tout à fait normal vu l'engagement des deux équipes sur cette partie-là. C'est un superbe match, tant au niveau tactique que technique, en termes d'engagement, c'est très poussé. Magic, il y a eu des changements significatifs dans cette seconde mi-temps ? Oui, alors eh bien, l'attaque belge est en train de se reconstituer. Le premier à être entré en jeu, c'est Mertens. Ensuite, Origi a remplacé Lukaku qui avait été assez décevant ma foi sur cette première mi-temps. Du côté italien, on a commencé par remplacer tout de suite, d'ailleurs ça a été le premier changement, un défenseur par, vous allez deviner, par un autre défenseur. Oui, j'imagine. Darmian par Disiglio, et puis ensuite ça a été plutôt dans le milieu de terrain où l'attaquant d'origine brésilien Eder est sorti et remplacé par un milieu de terrain qui est immobile. Et enfin, donc toute l'attaque belge s'est reconstituée avec l'entrée en jeu de Ferreira. Yannick Ferreira Carrasco. Voilà, exactement. Il n'y a pas eu un nouveau changement pour l'Italie tout à fait récemment. À la 78e minute, effectivement, Thiago Motta a fait son entrée de jeu à la place de De Rossi qui commence à tirer un petit peu. Thiago Motta, un joueur qu'on connaît bien, qui évolue dans quel club, mon cher Magic ? Alors, je crois qu'il a rompu son contrat avec son ancienne équipe et qu'il est au Barça, non ? Je ne sais pas. Je vous posais là une question tout à fait innocente. Je me souviens plus très bien de quelle équipe vous parliez. Alors, merci Magic, on vous retrouve tout à l'heure. La parole à Alma pour nous présenter le nouveau morceau de sa sélection musicale. Oui, alors c'est un morceau de la région du sud de l'Albanie. C'est une isopolyphonie, une chanson à plusieurs voix. Et je vous laisse le découvrir. On écoute ça tout de suite, c'est parti. Oi lule bukur moi meneche, oi lule bukur moi meneche, o pse mi mban moi ti syn parde, o pse mi mban moi ti syn parde, o frik ma ke moi atur ma ke, o frik ma ke moi atur ma ke, jo frik nuka moi astur nuka. Jo frik nuka moj astur nuka, por më vjen keq për nane baba, por më vjen keq për nane baba, o si të vin moj vetën tine, o si të vin moj vetën tine, se për ata moj gjumis mazë, se për ata moj gjumis mazë, oj lule bukur moj meneqe, oj lule bukur moj meneqe, o pse ma prishi jeshin qake, o pse ma prishi jeshin qake, se nane bab kemi dhe atje, se nane bab kemi dhe atje, jemi hini surë që shëmbra moj lule Yarina, aman moy lule Yarina, yemi ni sulu chisham bram moy lule Yarina, aman moy lule Yarina, ruga hayon busur mekam moy lule Yarina, aman moy lule Yarina, ruga hayon busur mekam moy lule Yarina, aman moy aman moj lule Yarina, kështu është dhe djali jon moj lule Yarina, aman moj lule Yarina, kështu është dhe djali jon moj lule Yarina, aman moj lule Yarina. Eh bien, vous êtes bien toujours sur l'antenne de Radio Galère pour ce débattons d'Anguirou spécial Albanie. C'est un moment très agréable où on entend cette belle langue qu'est l'albanais grâce à nos invités, Marcel, Edore et Hendry. J'espère que je prononce bien leur prénom, ainsi que Kevin et Alma qui sont là pour la traduction. Le docteur nous a préparé cette très belle émission. Le docteur a disparu. Je ne sais pas où il est, mais c'est l'occasion de parler en direct avec nos invités. Et peut-être juste pour évoquer brièvement ce match à venir contre la France. L'Albanie va-t-elle... Ah là, si, voilà, une question que je voulais poser à nos invités. Pour la première fois, l'Euro regroupe 24 pays, 24 nations. Les gorges chaudes... se gausse du fait que cette nouvelle organisation propose donc de voir des plus petits pays, des pays dits plus petits dans le monde du football. Mais peut-être, et j'ai l'impression que ces pays, que sont peut-être l'Albanie, que sont l'Islande, la Hongrie, ne sont pas simplement là pour faire de la figuration. Je voulais vraiment un petit peu peut-être poser la question à nos invités sur les ambitions en tant que supporter de cette équipe d'Albanie. Pa dyshim që dyshimi rregullave të UEFA-s me shtimin e skuadrave ishte shumë pozitive dhe kjo patjetër që i hapi rrugën edhe ekipit shqiptar të futbollit për të hyrë në European. le changement de UEFA avec règlement. Avec l'acceptation avec le fait d'accepter plus d'équipes pour jouer à ce championnat européen, c'était une bonne possibilité. Gjithsesi, rruga jon për në Euro 2016, përveç këtij lehtësimi të themi, ishte edhe për merit të vetë lojtarëve tanë dhe të trajnerit ton Gianni De Biasi, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme, duhet të themi. La possibilité de pouvoir jouer à ce championnat européen, c'était bien sûr le mérite du trainer de l'équipe albanaise qui a fait un bon travail. Kemi bërë ndeshje në këtë grup historike të themi shumë bukur me fitoren për shembull me Portugalinë në Portugali 1-0. On a fait des beaux matchs par exemple avec les résultats au Portugal 1-0. Dhe një ndeshje të themi historike që do ngeli për shumë vite në lidhje ndeshje me Serbinë në Serbi. Et le match contre la Serbie en Serbie, un très beau match et ça va rester dans le mémoire de tout le monde. Ishte një ndeshje të çmendur të themi, po më shumë serbët ishin të çmendur. C'était un match fou, mais surtout les plus fous étaient les Serbes. Mais vous avez perdu 2-0 en Albanie. Les Albanais ont perdu 2-0 contre la Serbie après. Non. Au retour. The return match, they lost against Serbia in Albania. Ishin tre nivele të gjysorit të UEFA-s, themi, deri në arbitrazh, në cilën dy u vendosën, në dy të parat u vendos fitore për Serbin. Il y a eu trois niveaux dont nivele gjysorit. Ah oui, des niveaux au tribunal, voilà. Deux parades de champ pour Serbien. Les deux premiers étaient en fait des décisions, les deux premières décisions étaient Serbie. Pour la Serbie. Por sistemi në Shqipëri e vërtet avonoi, por në fund triumfoi. Et pour sistemi në shqiptarë? Ah oui, pour le système albanais. Jo sistemi në shqiptarë, si fjalë turta themi, si shprehje, e vërtet avonon. Comment on dit, j'ai mal entendu ce qu'il vient de dire Marcel. Donc, mais comme on dit nous les Albanais, la vérité peut tarder, mais elle triomphe. Dhe në fund ne triumfuan me gjykatën e arbitrazhit 3-0, apo jo Edor? Po, po. 3-0. Et donc, avec la troisième décision, on a triomphé, on a gagné 3-0. Dhe kështu që përveç rregulloris që tha doktori të UEFA-s, ishte, unë mendoj që ishte më shumë merita e kombëtarës sonë që arritën në këtë nivel. Et oui, par rapport au fait d'être, faire partie dans le championnat, c'est surtout en fait le mérite de l'équipe albanaise d'avoir gagné cette grande chance. Dhe ne jo kemi miq gjithë, po na vjen keq, po me Francën do fitojmë. Ne jemi detyruar. Et nous sommes bien amis avec la France, mais vous tous ici. Et surtout avec tout le monde ici à la radio, mais en fait, on va gagner. L'équipe est pour gagner. L'équipe est bien préparée. C'est tout ce qu'on vous souhaite, chers amis supporters albanais. Alors avant de vous laisser la parole, docteur, et de vous prononcer sur la fin du sommaire de cette émission, je vous propose de retrouver Magic pour les derniers instants du match qui, j'imagine, sont très très chauds. Oh là là là là, oui, là, juste à l'instant, Pellegrini qui reçoit le ballon à 3 mètres du gardien Buffon italien. Il ne sait pas quoi en faire, il cafouille. Et de plus en plus, c'est comme ça. Les attaques se font plus directes de la part de la Belgique. Et Buffon est enfin en train de s'employer pour sauver son équipe, pour maintenir ce 1-0. qui donne un avantage très intéressant pour l'équipe de l'Italie pour la suite de la compétition. Les joueurs sont à bout, on commence à avoir des crampes à droite et à gauche, malgré le fait que pour l'équipe jeune, on a une moyenne d'âge relativement peu élevée. Eh bien, ça court de partout. Et tout à l'heure, on a vu deux accélérations extraordinaires d'Immobile. Immobile qui a une vitesse phénoménale. Et qui a Immobile fait... qui accélère, c'est quand même un comble. Je crois que Immobile le bien nommé, effectivement. Et le gardien Courtois a dû s'employer sur un magnifique tir de cet Immobile qui n'est pas Immobile. Et voilà, donc nous sommes en train de jouer les arrêts de jeu. Il reste quelques secondes à peine et bien tous les joueurs belges vont se concentrer sur leur attaque et se font comme là contrer. Et les Italiens, quand ils mènent à 1-0, dans tous les cas, les 5 dernières minutes de leur match, ils le passent à perdre leur temps. Peut-être on peut vivre ce match, cette fin de match avec vous, mon cher Magic, et demander à nos invités ce qu'ils avaient un peu prévu pour ce match. Ils sont surpris de la potentielle victoire des Italiens. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Et c'est vrai que la Belgique faisait peut-être figure un peu de favori. Docteur, je vous laisse peut-être transmettre cette question à nos invités. I will do that in English. So. Yes, of course. Yeah, we know that there is very formal links between Albania and Italy because during the Second War, Italians were in Albania. So there is a lot of people in Albania who know, for example, the Italian language. And there is also, there had been a lot of refugees from Albania to Italy. Is there a special feeling with Albania? With Italy, is Albanian supporting Italy? Is that a great country for you or not? Let's say it's divided. For example, et le deuxième but italien, le magnifique deuxième but italien, il est l'œuvre de Pelé qui est resté sur le terrain, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, et sur un magnifique contre des Italiens parce que les Belges n'en pouvaient plus. Eh bien, Pelé qui reçoit le ballon sur le côté et qui pelle et qui marque ce deuxième but qui libère complètement l'équipe italienne. 2-0, il reste 30 secondes de jeu dans les arrêts de jeu et le match est plié. On voit pas comment les Belges pourraient se remettre de ce coup fatal. Et les Italiens ils sont là et ils viennent de marquer un grand coup, gagner 2-0 face à des Belges très rumeurants, très très techniques, très bons de partout. Et bien ce n'est pas une moindre performance. Et bien voilà, docteur, notre ami Magic a bien fait de reprendre la parole à ce moment-là. C'était effectivement un magnifique but. On laisse Marcel peut-être terminer sur ça. In Albanian, it's better for our auditors. Okay. Në lidhje me policën e fundit, lidhje me tifozërinë, me italianin jemi të ndarë, edhe brenda familjes. Për shembull, nusja ime Blerina është tifozë italiane. Kurse unë jam tifoz gjerman. Deri sa të kombëtarion triumfoj, ose tani jam vetëm në Shqipëri, pa dyshim. Alors par rapport aux préférences concernant le foot, eh bien, mon épouse, elle est plutôt avec l'équipe italienne et moi plutôt avec l'équipe allemande. Lydia. Aïe, Marcel. Aïe, aïe. C'est terrible. Nuk mundem të ndryshoj asnjësinë time, po siç e dim Camille, femrat të bëjnë ligjin. Mais voilà, je peux pas changer son avis et comme on dit, c'est les femmes qui font la loi. Gjithsesi, është e vërtetë që ka një lidhje të fortë midis Shqipërisë dhe Italisë nga ana e kulturës, të themi, që me ardhjën e italianëve në 1939, po edhe më shpejt në kohën e mbretit Zog në Shqipëri. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un fort lien entre l'Albanie et l'Italie. Et déjà, ça date déjà depuis l'époque du roi Zog qui est arrivé en Albanie. Dhe gjithashtu edhe në kohën e komunizmit, mais aussi pendant la dictature. Italia ishte i vetmi vend perëndimor, të themi që ishte më afër Shqipërisë, në të cilën ne mund të merrem informacion perëndimor. L'Italie était le seul pays à côté de nous duquel on pouvait avoir de l'information des pays occidentaux. Dhe çdo gjë që kishte të bënte nga ana kulturore me Italinë, për shembull muzika apo deri te veshja, ushqimet, tek ne ishin vërtet diçka që merreshin për shembull. Et tout ce qui est en lien avec la culture italienne, que ce soit la musique, la façon de s'habiller, la nourriture, voilà, c'était un grand exemple pour nous. Merci Marcel, merci beaucoup. Je crois qu'on va écouter Manuel qui va nous parler de ce formidable défenseur passé par le terrible club de la capitale avant de séduire le public marseillais et de finir grandiosement chez les Canaries. À vous, Manuel. Oui, alors c'est une sorte de lettre, une lettre entume, on va dire, du futur ministre de la Culture française, qui s'adresse au peuple albanais, malheureusement, au moment du décès de Lorik Sana. La France aujourd'hui se propose de réclamer la moitié de la dépouille du regretté Lorik Sana. Ce n'est certainement pas pour en déposséder ses frères albanais, d'un de leurs plus beaux symboles. Bien au contraire, il s'agirait pour la nation française de partager la peine immense et de porter une partie du fardeau que constitue cette lourde perte. Il s'agirait par ce partage de s'allier pour toujours au destin albanais, remerciant par là même Tirana de l'apport aussi irréversible que positif qu'aura fourni Lorik Sana au peuple francophone. Accueillir une partie de Sana et de son héritage footballistique en son sein constituerait pour la France un honneur, autant qu'un hommage sans commune mesure à l'axe franco-albanais, base aujourd'hui solide de l'entente et de la civilisation européenne. Lorik Sana est en plusieurs endroits et au sens antique propre du terme un héros. Il est grec, il est énéen. Lorsqu'il fuit le club de la capitale, club en perdition, sujet aux guerres intestines, pour prendre la route de l'inconnu et trouver asile à Marseille. Trahison ? Nous disons non. Lorik constata que par cette fuite et son ralliement à l'ennemi, il embrassait la juste cause du football et de simples mercenaires, les généraux phocéens, en firent leur capitaine. Lorik Sana est romain, chef de campagne de toutes les conquêtes bleu-ciel. Il y fut surnommé le guerrier par les subtils supporters laziristes. Celui derrière qui tout est possible, celui pour qui toutes les batailles sont à gagner, au point que ses triomphes soient aujourd'hui gravés dans le marbre d'une nouvelle colonne du forum augustinien. Lorik Sana est biblique. Tel Moïse, traversant les mers, il épousa finalement sa terre promise pour guider tout un peuple vers le Graal recherché, une participation à l'Euro de football 2016 en France, son sol d'adoption, multipliant pendant des années les passes et les cartons dans une noce permanente avec l'aigle à deux têtes. Le destin de Lorik Sana est enfin shakespearien. Premièrement romantique lorsqu'il choisit pour éteindre sa carrière les couleurs jaune et vert, les couleurs du beau jeu, celles des envolées lyriques, comme pour définitivement contrarier une carrière de combattant et embrasser le symbole de son originelle passion, le collectif chatoyant. Il endossa ensuite la tunique du héros tragique lorsque l'apothéose annoncée le 15 juin 2016 du triomphe cananéen fut sacrifiée sur l'autel de la raison. Lorsqu'il dut choisir, dilemme shakespearien par excellence, entre la célébration de son culte sur ses terres marseillaises et la petite faute utile aux abords de la surface. Il sacrifia son ego et croqua dans la pomme son péché originel, le carton jaune, par lequel il retarda la défaite inéluctable en même temps qu'il renonçait à l'ultime combat fraternel dans le théâtre de ses plus beaux exploits. Peuple albanais, c'est avec fierté et reconnaissance que la France souhaite accueillir une moitié de Cana, pouvant ainsi espérer prononcer ces mots « Viens par là, Cana, avec ton terrible cortège d'idoles, avec ton panthéon de la civilisation européenne tout entière, ainsi cerné de tes symboles, l'abnégation, la passion, le combat pour la justice, le sacrifice et le romantisme. Viens orner de ta présence le panthéon français, parmi lequel tu scintilleras à jamais. » Bien, merci Manuel, c'était très très bon, on peut vous applaudir pour ce bel hommage à Lorixana, voilà. Hein, et c'est vrai qu'il ne fêtera pas ses noces à Marseille, et ça c'était un petit peu dommage, on ne peut que le regretter. Mais c'était un bel éloge d'une carrière internationale qui se terminera peut-être contre la Roumanie très bientôt. Alors, il nous reste quelques minutes avec vous avant d'entendre la dernière chronique du coach, dont je ne vous livre pas encore le titre, mais on avait envie de parler un petit peu avec vous du match quand même qui nous intéresse, qui a lieu après-demain. On n'en a pas encore parlé, ce France-Albanie, et puis de qu'est-ce que c'est que être un supporter albanais en France, enfin un supporter en France en réalité, hein, puisque que vous soyez albanais ou non, c'est pas tellement la question, mais c'est est-ce que comment ça se passe, comment on vit en fait cet euro, est-ce que c'est au final des vacances festives autour d'un alibi qui va être au final cet euro qui va permettre de faire la fête, de rencontrer des gens, ou est-ce que on part à la découverte d'autres pays, voilà, c'est quoi en fait être un supporter, peut-être que notre cher ami Edor pourra nous répondre un petit peu sur cette question-là. Comment est-ce qu'il vit son passage en France avec ce maillot de l'Albanie qu'il ne porte pas ce soir, mais qu'il porte tous les autres jours, nous en sommes sûrs. Atëra, udhëtimi për Francë ishte i jashtëzakonshëm. Sidomos pas ndeshjes së parë, ndeshja e dytë me Francën është një pritje. Nuk ka emocione për të përshkruar. Me mira njerëz. Le voyage pour venir en France a été magnifique. Et donc ce match qui aura lieu en France va être une très belle expérience, je pense. Me mira njerëz janë nisur drejt Francës me çdo mjet. Me avion, me makina, me tragete, në çdo lloj mënyre, vetëm të qenë prezent në këtë ditë, në këtë datë, në këtë orë ku ne mund të vendosim historinë. Il y a des milliers d'Albanais qui ont pris la route vers la France en avion, au bateau, en voiture, voilà, tous les moyens possibles pour venir et être présent à ce moment très important de jeu Albanie-France. Në qovë se Lensi ishte një stadium i vogël dhe kishte shumë pak vënde dhe mundësi për tifozët shqiptarë. Si a Lens, le stade était petit, il n'y avait pas beaucoup de place pour les supporters albanais. Vëndet që supporton Marseja ka bërë të mundur që të vinë akoma më shumë shqiptarë nga gjitha trojët e Shqipërisë dhe kudo që janë. Les places qui a le stade Vélodrome de Marseille pourra rendre possible la présence de beaucoup plus d'Albanais. À Lens, il y avait 20 000, 30 000 Albanais. Et bien là, il y en aura bien plus. On est présent dans Lens, où Lens est au scouche de la blouse égyptienne. Pas vraiment, c'est que je suis venu à Zitzerana. Ngjyra e Shqipërisë dominonte kudo. Jam i sigurt që Marseja nesër do dominojë në të kuqe. J'étais présent à Lens et c'est vrai que le stade nga tifozët, normal. A été est devenu complètement rouge des t-shirts et des drapeaux albanais, même si c'est vrai que la couleur avec les Suisses était la même, mais on voyait en fait quand même, on voyait la différence, on voyait où il y avait les Albanais. Dhe kjo do pareqitet edhe në stadium ku e kuqe do dominoi ndaj bluz. Et là, ça va être le cas aussi à Marseille, où bien sûr le rouge va dominer le bleu de la France. Le bleu blanc rouge plutôt de la France. Docteur, on va conclure cette émission, je crois, et on va enfin pouvoir faire rentrer le coach dans l'arène. Dites-nous tout. Eh bien oui, merci en tout cas, Edor. Moi, je suis de tout cœur avec vous, effectivement. Ça ne me dérangerait pas que le stade Vélodrome, pour une fois, soit aux couleurs rouges. ce serait très présent. Et puis ça ne me dérangerait pas non plus que un an après, puisque le 13 juin 2015, souvenez-vous, il y a exactement un an, au stade d'Elbasan, eh bien, la France perdait contre l'Albanie 1-0. Voilà, c'était il y a un an. Espérons que dans deux jours, ce soit pareil. Coach, à vous. Oui, je voulais juste me féliciter de la victoire de l'Italie sur la Belgique, puisque même si mon humour est belge, mon cœur est italien. Oui, vous avez un ascendant italien, c'est vrai, coach. Ah oui, Renato. Ah, Luigi. Luigi, Luigi Jandor. Luigi Pioppo. Ah, Luigi Pioppo. Vous avez besoin, mon cher coach, d'une petite manipulation technique, je crois, avant démarrer votre croquine. Il faut que vous me lanciez, mon cher camarade. Alors, on va vous lancer. Donc, une petite manipulation technique. On va envoyer un petit son qu'on écoute tout de suite. Je vais lui enlever son. Tu arrêtes, ça tourne, pas maintenant. Ça tourne, je vais lui enlever. Non, Patrick, mais quel gâchis, Patrick, arrête. Patrick se réveillait en sursaut. Les dents crispées, le visage en nage. Saloperie de cauchemar, putain de souvenir. Une hôtesse blonde et inquiète se penche sur lui. « Excuse me, sir, any trouble? Are you okay? » Patrick répond dans un large sourire enjôleur. « Yes, I'm okay, not KO. » Blague de boxeur. Et comme Patrick est un séducteur récidiviste depuis son plus jeune âge, « And now I see you, darling cherie, I am okay kawaii in okay choral, like karaoke. » C'est bien, Patrick. Tu dragues. Tes instincts de lion de ta chienne reviennent. Faut pas te laisser abattre. Il faut dire qu'après le décollage de l'avion, il avait enquillé whisky sur whisky sans glace pour abrutir ses nerfs, au point de sombrer dans un espèce de coma pâteux qui ne s'était pas révélé de tout repos. Il faut dire que son soi-disant voyage d'affaires ressemble à s'y prendre à une fuite la queue entre les jambes. Saleté de cassette de merde qui n'existe même pas. Saloperie de république à la con, où on ne peut pas devenir oligarque dans sa petite ville balanière, comme papa avec l'argent des contribuables. Ces sales voleurs du fisc veulent lui racketter son petit cochon bling-bling au paradis. C'est la fable du pot de vin contre les impôts. C'est le combat de la cour des comptes contre la cour des miracles. Et Patrick, il est canaille et il est en train de perdre sa liberté de croquer. Ils sont pas foutus de comprendre que le vice est pour Patrick un art de vivre. Et mes droits de l'homme à moi alors ? Se demande Patrick. C'est bien la France, ça. Tous des frustrés, des jaloux, des envieux, des perdants. Il jette un œil par le hublot, du bleu partout. C'est cool, Patrick, il aime le bleu. Il avait même dit à Nicolas pendant sa campagne... On va confisquer le bleu, Nico, tu vois. Camouflage populaire, bleu de travail pour les princes parvenus. Ni vu ni connu, mais dans ton cul. Sauf que là, ça fait vraiment beaucoup de bleu en haut, en bas, devant, derrière. Il jette un œil sur sa montre à 52 000 euros. Et même à ce prix-là, le temps lui semble long. Il appelle Darling Lottes, qui allume l'écran sur le dossier devant son siège, et se connecte à la chaîne du vol. Une map monde s'affiche, et Patrick constate avec effarement que l'avion vient d'entrer dans l'hémisphère sud et survole l'océan Indien. Paniqué, sueur froide, bouche sèche, crémaster en corde de pendu. Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Il pète un scandale, exige que l'avion fasse demi-tour. Now maintenant, no way fucking putain de shit et que ça saute ! Refus catégorique de l'hôtesse, qui la rend moins sexy et moins blondasse. Et pour le calmer, comme on le fait avec un chien turbulent, elle lui amène le pilote et un autre whisky sec. Il se sent tout merdeux, Patrick. Le nom de la compagnie aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. SkyWest ? Mais avec son chapeau de cow-boy sur la tête, il s'était dit que ce serait cool d'aller se perdre dans l'ouest sauvage des pays de l'Est. Cette histoire avait commencé à puer le sapin avec la levée de son immunité parlementaire. Les reproches et les flics s'accumulaient devant sa porte. Corruption passive, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, trafic d'influence, détournement, association de malfaiteurs, injures et outrages, usurpation de fonctions. Et pourquoi pas mutinerie et piraterie pendant qu'ils y sont ? Non mais franchement, à quoi ça sert d'avoir le pouvoir si on peut pas jouer avec ? À poil, dans sa baignoire pleine de dollars, avec Isabelle qui lui frotte le dos avec un lingot spolié par les nazis. Mais bon, vous savez, quand la vie devient migraine, c'est signe qu'il est temps de s'échapper en vacances. Alors quelques slips, une brosse à dents dans une sacoche, des papiers à l'encre encore fraîches, une petite valise pleine de cash et hop, direction Roissy. Isabelle resterait un jour ou deux pour effacer les traces, puis le rejoindrait. Il s'était demandé dans quel pays on n'imaginera pas me chercher, sans partir à l'aventure trop loin. Rester en Europe, mais une Europe discrète, une nation underground qui ne lui poserait pas la question de la provenance de tout son cash. La Hongrie de ses ancêtres ? Non, trop évident. Et dans Balkanie, il y a Balkans, alors ? Alors la réponse lui parut facilement. L'Albanie. L'Albanie émergente. Méditerranéenne n'est pas encore dans la communauté européenne. Et le pays des aigles, ça lui plaît. Et le chaos après le communisme, il connaît par cœur depuis qu'il a pris la mairie au rouge. Alors il fera des affaires peut-être avec la mafia albanaise dont parle le film Taken avec Liam Neeson. Peut-être du poker clandestin. Cette perspective lui fit venir l'idée de reprendre sa carrière d'acteur, celle de sa jeunesse dans les années 60 qui avait fini sur une nuit torride avec Bardot après avoir monté les marches à Cannes en 67. Du coup, rengaillardi à cette perspective un peu burnée, il s'était acheté un chapeau de cow-boy dans la première boutique. Au comptoir de l'aérogare, il s'était fait passer pour un étranger afin de blouser ses éventuels poursuivants. Il avait demandé « The plane for Albania now in départ envie urgency. Yes, no baggage, classe affaire and cash-cash » pour finir l'opération. L'avion était à l'embarquement, il fallait faire vite, c'était parfait, un plan qui se déroule sans accroc. Sauf que voilà, badaboum, tragique méprise, langue fourchée, erreur d'aiguillage sémantique. Le voilà qui atterrit après 15 heures de vol à l'aéroport d'Albanie, petite bourgade située sur la côte méridionale de l'Australie occidentale. Panier de crabes et non pas ni des aigles. Damn you, dickhead, c'est une première pour Patrick. D'habitude, avec lui, c'est plutôt la vérité qui se trompe. Mais sur ce coup-là, c'est encore un coup du démon de la cassette. Un peu parti, un peu naze, il sirote dans un bar de jazz quelques whisky en tapotant sa mallette de fric. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Patrick ? Ruer vers l'or ? Ou dans ton cas un peu sulfureux et ruer vers l'uranium ? Patrick pense un instant se rendre à l'ambassade de France, mais non, jamais, car Patrick ne se rend pas. La réponse est peut-être à trouver au hasard dans le journal. Il épluche les pages de l'Albany Weekender en récitant des formules d'exorcisme, comme ceux qu'utilisait l'UMP pour se protéger des journalistes. Il tombe sur celle-ci, un appel pour le Albany Sharks Football Club. We need timekeepers, goal umpires, team managers and other support personnel. Join the challenge and become part of the sun. If you are looking to meet now new people and give something back to your community, then this may be for you. Friendly atmosphere, around motivated people, do as much or as little as suits your lifestyle. We need you. Shark veut dire requin en français, ça lui parle à Patrick. Il se sent déjà chez lui. Voilà ce qu'il lui faut au service de la community et du football. Bon, c'est pas son truc, le foot, mais comme tous les Français champions du monde, il est un peu black blamber maillot ketchup en tant que fils d'émigrés hongrois. Ça devrait le faire. Il leur fera croire que le club ukrainien qui s'appelle le FC Balkany Zorya était le sien. Et puis, il a une solide expérience du management, un putain de savoir-faire d'enfer avec le Levallois Sporting Club qu'il a fondé en 83. Ah, si Teddy était là, il pourrait en raconter, mais cette danseuse coûte la peau des yeux à entretenir. En voilà un putain de judoka qui ne se met pas aux pièces jaunes. Et puis Patrick, il est hyper motivated. Patrick, il va leur montrer de la friendly economy aux requins des Sharks. Comment faire table rase avec toutes les conventions administratives, comment on booste les salaires, comment on fait de la poésie avec les notes de frais, comment on deal avec les prestataires fantômes, comment l'argent rentre et sort par magie, comment la manière de traiter les VIP fait qu'on est tous des VIP. Ça va les mettre à genoux, ça va leur trouer l'as. Vous allez voir, si on a les couilles de ne jamais regarder à la dépense, en un rien de temps, les Sharks seront le Real Madrid du continent océanien. Il va en remontrer à tous ces messieurs gros sous Shintok, rouge-jaune de mes deux, jure Patrick entre ses dents. Les Sharks, ils le savent pas encore, mais ils nient Patrick. Alors Patrick, il y va avec sa bite et son couteau, et sa valoche de flouze sous les selles, chaud bouillant comme un volcan en rut, le cœur qui bat le coup de boule Zidane. Et puis, hé, il partage plein de trucs avec Platini, à commencer avec les Panama Papers. Platini, les gars, Bloody El Bollocks, c'est pas rien, un gros chaman en costard qui fait la pluie et le beau temps partout où il règne, comme Patrick à la belle époque. Platini, Balkany, ça rime, même combat. Il débarque en tornade atomique dans les bureaux du club avec son franglais et ses grands gestes. Patrick dessine dans le vide sa vision du monde et l'avenir de l'univers où il plonge avec les requins. Par le pouvoir du football ancestral, je détiens la force toute puissante. Un chef-d'œuvre, youplaboum, brothers and sisters, niggas and bitches, rien ne sera plus jamais comme avant. Et ça, cette musique-là, sans tambour ni trompette, que leur a bramé Patrick, les amis, ça les laisse en ronde-flanc, les ossises. Entre étonnement et compréhension, entre émerveillement et terreur. Mais ces mines de slash movies, ça fait pas peur à Patrick. Il a déjà déterré des cadavres pour les faire voter. Alors prends-en de la graine, petit Jésus. Une gentille mamie, les yeux à faire pleurer les oignons, lâche son tricot de laine Jonas et s'approche de lui. Elle lui agrippe tendrement le bras. D'un geste maternel et sans discussion, elle l'invite à la suivre dehors. « Come on and see, you fool !» C'est l'heure de l'entraînement sur tous les terrains alentours. Patrick reluque des gars costauds, avec des chasubles d'enfants de cœur de la Love Parade, dont certains n'ont pas peur de porter la moulette. Ils courent, ils sautent, ils courent, ils roulent, ils courent, ils castagnent, ils courent, ils crient, ils courent, et ils attrapent le ballon avec la main. Bon Dieu ! Ils attrapent un putain de ballon ovale avec la main, mais qu'est-ce que c'est que ces bullshiteries ? Ils sont demeurés ou quoi ? Bon, on est sur une île, c'est toujours un peu de la même famille consanguine, mais quand même. Arrêtez de me prendre pour un laxatif, leur hurle Patrick, un peu au bout du rouleau. Le football, Ça se joue avec les pieds, un ballon rond comme au basket. Tragique méprise, qui prouve si besoin t'est que Patrick est définitivement né sous le signe astrologique des faux amis. Une constellation très répandue en politique française. Car chez les Sharks, les requins jouent au football australien, et non notre bon vieux jeu de baba la panard qui se dit soccer. Eh oui, mauvais soccer, Patrick. Bah coach, vous n'êtes pas rentré pour rien dans l'équipe de débattons d'Anguirou ce soir, dans le dispositif. Bravo, très belle chronique. J'ai envie de vous demander, coach, puisque vous avez la parole, votre pronostic pour le match Albanie-France. Au moins 6-0 pour la France. 6-0 pour la France. On peut dire que... Est-ce qu'on pourra vraiment peut-être même appeler ça un match? Je ne sais pas. Le coach envoie la sauce. Le coach est pourtant entouré, vous l'avez compris. Même Benzema mettra un but. Même Benzema mettra un but. Magic, vous allez quitter Lugdunum ce soir pour rejoindre la cité phocéenne. Je crois que vous assistez au match France-Albanie, vous le commentez pour la télévision marocaine. Oui, et tout à fait, en duplex avec toute la chaîne de M6, hein, la première chaîne nationale du Maroc. Je commenterai ce match parce que figurez-vous que ce n'est pas pour les Marocains, c'est pour toute la diaspora française au Maroc. Et c'est l'occasion, durant le ramadan, eh bien, de faire une belle fête là-bas. Donc je commenterai ce match en direct des travées du Vélodrome. Et j'espère que ce sera une petite piquette. Magic, merci. C'était un plaisir de vous retrouver ce soir. Partagez. Merci à vous, à toute l'équipe, à tous nos amis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux commentaires. Se retrouve pour ce fameux... on va retrouver les Belges avec vous. Un fameux Belgique-Irlande, je crois, samedi prochain, en direct de la plaine. On sera aux alentours de la réserve à bulles, la librairie de bande dessinée, pour le festival Badam, et vous nous commenterez. Vous aurez quelques adjoints du commentaire dessiné, je crois. Vous nous en direz plus samedi après-midi. On annonce bien évidemment la parution à nos auditeurs de Radio Galère du livre, le livre de l'été, le livre de vos toilettes, le livre du camping, le livre des bâtons dans Guirou. Nos meilleures chroniques. Le livre des plages nudistes aussi. Le livre des plages nudistes, évidemment. Vous faites bien de le dire, coach, parce que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur vos destinations estivales. Ce livre, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Il est publié aux éditions Vanloo. C'est les meilleures chroniques de débattons d'Anguirou depuis maintenant 4 ans que nous vivons cette belle aventure sur Radio Galère et un petit peu aussi sur une radio voisine. Merci beaucoup, docteur. Pardon, j'en perds ma voix, d'avoir préparé cette émission. C'était un plaisir d'être encore une fois accompagné par votre belle personne. Oui, moi j'aurais souhaité remercier les auditeurs, les auditrices, et puis surtout nos formidables invités, hein, nos amis qui viennent d'Albanie, c'est-à-dire Edor, Henry, Marcel, nos amis qui sont actuellement à Marseille, Kevin, et puis merci beaucoup à Alma qui nous a fait une traduction formidable ce soir, c'était exceptionnel. Merci à tous, je crois que nos amis albanais ont envie de nous entonner un dernier petit chant avant de nous quitter. Peut-être est-ce le chant du cygne pour cette équipe. On y va, on les écoute, on les entend. Atër, ne ju falenderojmë për mikpritjen tuaj. Ishte vërtet një eksperiencë e bukur për ne që ishim këtu në emision. Unë ndihem mirë, po do ndihemi akoma më mirë kur të ikim me fitore nga Marseja. Dhe si përfundim duhet të themi diçka pas përkthimit. On vous remercie beaucoup pour votre accueil ici. Je me sens très bien, on se sent très bien, mais on va se sentir encore mieux quand on va partir de Marseille avec la victoire. Atëherë. Tuna gati, një, dy, tre. Një gjaka, ka vetëm një gjaka. Një tavlan gjaka, ka vetëm një tavlan gjaka. Hajde Shqipëria! Shqipëria! Bonne nuit à tous sur l'antenne de Radio Galère, à dans 15 jours sur cette même antenne, à samedi sur Radio Grenouille. À très bientôt!